Derrière les volets, le soleil brûle. Plus question de se défiler. La vacancière sort de sa bulle. L'idée c'est de rentrer bronzée. Écran total sur l'épiderme. Surtout faire gaffe aux UV. Mais par-dessus tout ce qu'elle aime, avoir du sable entre les doigts de pied. Poser sa serviette face au vent. En Bretagne, c'est un vrai défi. Mais ce climat, elle l'a dans le sang. Ça fait des lustres qu'elle vient ici. Lunettes de soleil, protection 3 et grand chapeau finement rayé. Elle remarque avec grand joie qu'elle a du sable entre les doigts de pied. À côté d'elle, une belle famille, papa, maman. S'installe pour pique-niquer tranquille. N'embête pas la dame, s'il te plaît Brice. Bien content d'être venue seule. Sentiment intense de liberté. La seule chose vraiment qu'elle veuille, avoir du sable entre les doigts de pied. L'océan frise le 17. Elle plonge dedans sans retenue. Elle se dit je suis un peu bête. En 2 secondes son cœur ne bat plus. Repos mérité sur sa serviette. Après 16 heures de dos crôlé. D'un œil quand même, elle guette le sable entre ses doigts de pied. Dans la côte, elle peine un peu et change de main pour le panier. Un scooter la passe plein feu, elle regrette de pas en avoir loué. Et bientôt dans la capitale, pas de chichi, pas de beignet. La vacancière sans éventail sera sans sable entre les doigts de pied.